Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, la plateforme anti-discrimination. La Fédération nationale des CIDFF est un partenaire privilégié du Défenseur des droits, avec qui elle a signé une convention de partenariat, et cela depuis 2013. Alors, afin de renforcer la lutte contre toutes les discriminations, le Défenseur des droits a mis en place, en février 2021, une plateforme anti-discrimination accessible par chat, par téléphone au 3928 et bénéficiant d'un accès pour les personnes sourdes ou malentendantes. Alors, ce service de signalement et d'accompagnement des victimes de discrimination est destiné aux personnes victimes ou témoins de discrimination, quel qu'en soit le motif, c'est-à-dire l'origine, le handicap, le sexe, et le domaine, c'est-à-dire dans l'emploi, le logement ou bien encore l'accès à un service. La plateforme est animée par des juristes du Défenseur des droits, spécialement formés à la discrimination et qui vont effectuer un premier niveau de prise en charge par une écoute, une réponse aux questions et une première qualification juridique de la situation et, si cela est nécessaire, l'explication des démarches possibles et orientations. Alors, au regard de leurs champs de compétences respectifs, le Défenseur des droits est partenaires peuvent intervenir selon leur mode d'action habituel pour proposer à la personne l'accompagnement le plus adapté, bien entendu. Si la situation n'est pas du ressort de l'institution, notamment lorsque les faits ne sont pas constitutifs d'une discrimination légale, la personne sera orientée directement vers les interlocuteurs institutionnels ou associatifs compétents tels que le CIDFF. Alors, les finalités de cette plateforme sont les suivantes. Sensibiliser toute personne victime ou témoin de discrimination qui a la possibilité d'être écoutée et accompagnée face à cette situation. Assurer une plus grande effectivité du droit au recours des personnes systémiquement, justement, discriminées. Accompagner les victimes dans leur démarche en vue d'être reconnues et rétablies dans leurs droits. Mais également rendre visibles et accessibles les associations et organisations syndicales partenaires de la plateforme afin que les personnes qui en ont besoin puissent les connaître et bénéficier, bien entendu, de leur soutien dans leur démarche. Et enfin, permettre de faire connaître l'engagement, les compétences et les missions des associations partenaires. Alors, pour rappel, au niveau de la discrimination, il y a discrimination lorsque trois éléments sont réunis. Un traitement moins favorable envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de critères définis par la loi, comme je l'ai dit au-dessus, c'est-à-dire en fonction de l'origine, du handicap, de la religion ou bien encore de l'orientation sexuelle, et cela dans un domaine prévu par la loi, l'emploi, l'accès au logement. Il faut savoir que la loi prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende contre toute personne se rendant coupable de discrimination. Ainsi, les CIDFF figurent parmi les associations relais de la plateforme anti-discrimination vers qui les juristes du Défenseur des droits peuvent orienter les personnes. Afin de formaliser ce partenariat, la Fédération des CIDFF a signé la charte d'engagement des associations partenaires de la plateforme. Par conséquent, les CIDFF peuvent être saisis par des personnes qui ont été orientées vers eux par la plateforme pour obtenir des informations sur des questions entrant dans le champ de compétences du CIDFF, telles que des questions relatives à la rupture du couple, aux violences conjugales ou encore aux violences sexistes et sexuelles. Alors enfin, pour plus d'informations, vous pouvez consulter la plateforme en vous rendant sur le site www.antidiscrimination.fr et pour rappel, par téléphone au 3928. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.